Chapitre 5. Madame la Chenille. Alice et la Chenille se regardèrent quelques instants sans rien dire. Puis la Chenille retira de sa bouche lipue le tuyau du narguilet et parla d'une voix languissante. « Qui êtes-vous ? » questionna-t-elle. Alice, intimidée, répondit « Madame, je sais sans doute ce que j'étais ce matin quand je me suis levée, mais je crois qu'on m'a depuis plusieurs fois métamorphosée. » « Que voulez-vous dire ? » répliqua la chenille d'un ton qui ne plaisantait guère. « Expliquez-vous ? » « Pardonnez-moi, madame, je ne puis pas m'expliquer, » dit Alice, « pour cette bonne raison que je ne suis pas moi-même. » « Je ne comprends pas, » fit la chenille. « Je suis désolée de ne pas pouvoir m'expliquer plus clairement, » dit encore Alice, « mais je n'y comprends rien moi-même. À force de changer de taille à tout instant, on finit par ne plus savoir où l'on en est. » « Ce n'est pas vrai, » jugea la chenille. « Vous n'en avez peut-être pas encore tâté, » dit Alice sans perdre le respect. « Mais quand il vous arrivera de vous changer en chrysalide et puis après en papillon, je pense que vous trouverez cela plutôt étrange, n'est-il pas vrai ?»« Il n'est pas vrai, » fit la chenille. « Eh bien, c'est peut-être que nous n'avons pas la même façon de voir, » conclut Alice. « En tous les cas, cela me paraît bien étrange à moi. »« À vous ?» dit la chenille dédaigneusement. « Et qui donc êtes-vous, vous ?» Alice se sentait irritée par les manières peu aimables de la chenille. Elle releva la tête et, se contenant difficilement, elle demanda fort gravement. « Et pourquoi ne me diriez-vous pas vous-même d'abord qui vous êtes ?»« Et pourquoi vous le dirais-je ? » répliqua la chenille. Nouvelle situation embarrassante et de nature à porter sur les nerfs. Alice prit le parti de s'en aller chercher fortune ailleurs, mais la chenille la retint. « Non, ne vous en allez pas, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Alice revint sur ses pas et, intriguée, se rapprocha. Mais la chenille se contenta de formuler en manière de sentence « Il faut toujours garder son calme. » « Est-ce tout ? » demanda Alice, déconcertée et furieuse. Mais la chenille avoua que non, et Alice, pensant avec juste raison que rien ne la pressait, se disposa à attendre que la chenille en vînt à lui dire quelque chose d'intéressant. Celle-ci de nouveau tira des bouffées lentes et copieuses de son narguilé, puis enfin, « Ainsi, vous croyez avoir été métamorphosée ?»« Ma foi, madame, j'en ai peur, du moins. Je change de taille toutes les 5 minutes et j'ai perdu la mémoire. »« Quelles sont les choses dont vous ne vous souvenez plus ?»« Eh bien, j'ai essayé, par exemple, de dire comment la petite abeille, mais les mots ne sont pas venus dans le bon ordre. » « Récitez, vous êtes vieux, père Guillaume. » Alice croisa les bras et bien sage commença. « Vous êtes vieux, père Guillaume, dit le jeune homme, et vos cheveux ont blanchi. Et pourtant, vous vous permettez encore de faire de temps en temps une petite pirouette sur votre noble tête. Croyez-vous qu'à votre âge, cela soit vraiment correct ?» « Dans ma jeunesse, répliqua le père Guillaume, je craignais que cet exercice n'endommageât ma cervelle, mais aujourd'hui, comme je suis parfaitement sûre de ne plus avoir de cervelle, je me livre sans contrainte à cet aimable divertissement. » « Vous êtes vieux, reprit le jeune homme, vous êtes vieux ainsi que je viens d'avoir l'honneur de vous le dire, et vous avez, en vérité, pris du ventre au point de ne pouvoir presque plus bouger. » Et pourtant, au lieu de franchir une porte comme tout le monde, vous vous amusez à la passer en faisant le saut périlleux. Je vous en prie, expliquez-moi le secret de votre agilité. Dans ma jeunesse, déclara le sage vieillard en secouant ses boucles blanches, j'ai assoupli mes membres en usant de cet excellent onguent. Un franc la boîte, permettez-moi de vous en offrir deux petites boîtes. Vous êtes vieux, dit le jeune homme, et vos mâchoires sont à ce point impuissantes qu'elles ne peuvent guère plus entrer que dans du beurre, et pourtant vous avez croqué le canard hier sans même laisser les os ni le bec. Comment avez-vous fait ? Dans ma jeunesse, dit le vieillard, j'ai fait de la jurisprudence et plaidé tous les cas imaginables avec et contre ma propre épouse. Et à ce brillant exercice, mes mâchoires ont acquis une puissance éternelle. Vous êtes vieux, dit le jeune homme, et l'on pense communément que vos yeux ont perdu de leur justesse. Pourtant, vous arrivez encore fort bien à maintenir une anguille toute droite en équilibre sur votre nez. Comment êtes-vous parvenu à une telle habileté ? J'ai répondu à trois questions, s'écria alors le vieillard, et cela me paraît suffisant. Ne vous donnez pas de ces airs irrespectueux avec moi, monsieur mon fils. Si vous croyez que je vais passer ma journée à entendre de telles sornettes, vous vous trompez. Allez-vous-en, ou je vous envoie au bas de l'escalier d'un petit coup de pied quelque part. Ce n'est pas bien, jugea la chenille. Ce n'est pas tout à fait bien, j'en ai peur, acquiesça Alice timidement. J'ai changé quelques mots. C'est mal du commencement à la fin, tout à fait mal, insista la chenille qui avait de la sévérité. Il y eut un silence assez gênant, que la chenille finit par rompre en demandant « Quelle taille désireriez-vous avoir ?»« Oh, je ne suis pas absolument fixée là-dessus, » répondit Alice. « Ce que je demande surtout, c'est de ne pas changer de taille à tout instant, car cela n'a rien d'amusant en vérité. »« Amusant ou non, peu m'importe, » dit la chenille avec mauvaise humeur. « Voyons. » « Êtes-vous satisfaite telle que vous êtes à cette heure ?»« Mon Dieu, j'aimerais mieux être un petit peu plus grande, madame, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quelques centimètres, c'est là une taille si exiguë. » La chenille, qui elle aussi n'avait que quelques centimètres, protesta indignée. « Mais c'est au contraire une fort belle taille, » dit-elle. « Oui, sans doute. » « Vous avez raison, madame, » consentit la pauvre Alice avec empressement. « Mais voyez-vous, madame, moi, je n'y suis pas encore habituée, et c'est pour cela qu'elle ne me plaît pas. » Et elle ajouta en son fort intérieur. « Ah, les gens de ce pays sont bien susceptibles. »« Vous vous y habituerez avec le temps, » déclara la chenille d'un ton sentencieux. Et elle reprit philosophiquement le tuyau du narguilé. Nouveau silence, durant lequel Alice se contenta de regarder la dame fumer et fit preuve d'une louable patience. Quand il n'y eut plus de tabac dans son instrument, la chenille éloigna paresseusement de sa bouche le tuyau à bout d'ambre, bâilla, s'étira, puis descendit du champignon, et se glissa dans l'herbe, disant seulement, tandis qu'elle s'éloignait, « Un côté vous fera grandir, l'autre côté vous fera rapetisser. »« Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ?» se demanda Alice. « Du champignon, » dit la chenille, exactement comme si Alice avait parlé à haute voix. Alice resta là, à regarder pensivement le champignon, cherchant à deviner où pouvaient bien être les deux côtés de cette chose ronde. À la fin, elle prit le parti d'entourer de ses bras le sommet du champignon et de cueillir au hasard deux morceaux, un de chaque main. Elle mordit au morceau qu'elle tenait dans sa main droite. Aussitôt, elle rapetissa si brusquement que son menton descendit heurter ses pieds. Elle en fut terrifiée et garda tout juste assez de présence d'esprit pour manger un peu du morceau que tenait sa main gauche, ce qui n'alla d'ailleurs pas sans difficulté, car son menton était tellement serré contre sa chaussure qu'elle eut toutes les peines du monde à écarter les mâchoires. Mais à peine eut-elle goûté de ce second morceau qu'une nouvelle inquiétude la saisit. Elle s'aperçut en effet que, si elle grandissait rapidement, ce n'était que son cou qui s'allongeait dans des proportions effrayantes. Alice regardait au-dessous d'elle et voyait son corps aplati dans l'herbe avec son cou immense qui se dressait comme une longue tige. Sa tête, au bout de cette tige, se perdait dans le feuillage d'un peuplier. Comme son cou pouvant se mouvoir tel un serpent parmi les branches de l'arbre, elle avançait la tête vers un nid d'oiseau, un cri strident la fit battre précipitamment en retraite, et un gros pigeon parut qui, la menaçant du bec et des ongles, lui dit « Arrière, serpent, arrière, maudit serpent !»« Mais je ne suis pas un serpent !» protesta Alice. « Laissez-moi tranquille !»« Serpent, serpent !» répéta d'une voix lourde de menace le gros pigeon. Et il ajouta, mais avec des sanglots cette fois, « Hélas, j'ai essayé de tous les moyens pour me délivrer de ces maudits serpents, mais rien ne paraît efficace contre eux. Comme si je n'avais pas assez de mal déjà à couver mes œufs, il faut encore que je sois continuellement sur le qui-vive à cause de ces serpents maudits. Ah, je n'ai pas pu fermer l'œil un instant depuis 3 semaines. » « Je suis désolée que vous ayez eu tant d'ennuis, » dit Alice. « Et pourtant, » reprit le pigeon, « j'ai choisi l'arbre le plus élevé du bois. Je n'y comprends plus rien. En vérité, ils doivent tomber du ciel. Arrière, maudit serpent !»« Mais je ne suis pas un serpent, je vous le répète, » s'écria Alice. « Je suis... Qu'êtes-vous donc ?» questionna le pigeon. « Je suis curieux d'entendre ce que vous allez inventer. » Au hasard et sans beaucoup de conviction, Alice lâcha. « Je suis une petite fille. » « Comme c'est vraisemblable !» ricana le pigeon. « J'ai vu beaucoup de petites filles dans ma vie, mais je n'en ai jamais vu avec un cou pareil. »« Non, non, vous êtes un serpent, vous ne pouvez le nier. Vous allez peut-être me dire aussi que vous n'avez jamais goûté à un œuf. » « J'ai goûté à des œufs, certainement, » déclara Alice, qui était une enfant sincère. « Mais vous savez bien que les petites filles mangent des œufs, tout comme les serpents. »« Vraiment, je ne m'en doutais pas, » dit le pigeon. « En tout cas, si elles le font, c'est qu'elles sont des espèces de serpents. Voilà tout ce que je puis vous dire. » Cette idée était si nouvelle à son esprit qu'Alice en fut réduite au silence pendant 2 ou 3 minutes, ce qui donna au pigeon le loisir d'ajouter « Oui, c'est bien certain, vous guignez mes œufs. Dès lors, peu m'importe que vous soyez ou bien une petite fille ou bien un serpent. » « Mais cela m'importe beaucoup à moi, » protesta Alice. « D'ailleurs, je ne guigne pas du tout vos œufs. Si des œufs me tentaient, ce ne seraient pas les vôtres. Je n'aime pas les œufs crus. » « Parfait, allez-vous-en alors !» conclut le pigeon d'un ton bourru en se remettant sur son nid. Alice se laissa glisser de son mieux entre les branches du peuplier, dégageant son cou chaque fois qu'il s'accrochait. Enfin, elle se rappela fort à propos que ses 2 mains tenaient toujours les morceaux du champignon, et elle les utilisa raisonnablement, croquant un peu de l'un, puis un peu de l'autre, jusqu'à ce que, grandissant et rapetissant tour à tour, elle en revint à sa taille ordinaire. Il y avait si longtemps qu'elle ne l'avait eue qu'elle se trouva tout à fait extraordinaire. « Ah, ces changements sont bien terribles !» se dit-elle. « Mais tout va bien aller, j'espère, maintenant que j'ai ma vraie taille. Si je recherchais le merveilleux petit jardin... » Elle alla droit devant elle, un peu au hasard, il est vrai. Bientôt, elle se trouva sur une sorte de petite place où s'élevait une maisonnette haute à peine comme celle d'une poupée. « Qui peut bien habiter là ?» se demanda Alice. « Je voudrais bien entrer dans cette maisonnette. Malheureusement, avec ma taille, c'est impossible. J'épouvanterais le propriétaire. » Comme la curiosité l'envahissait et que, d'autre part, elle avait gardé dans ses poches ce qui restait des 2 morceaux de champignons, Elle songea sans hésiter à se rapetisser de quelques centimètres pour voir un peu. Elle croqua donc au bon morceau de champignon, celui de la main droite, et ne se hasarda à s'approcher de la maisonnette que quand elle eut ramené sa taille aux dimensions d'une marguerite des champs.